French in Action, Lesson 2. Leçon 2, Genèse. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Bonjour, nous allons apprendre le français. Moi, je suis le professeur. Et vous? Vous êtes les étudiants. Nous allons apprendre le français. Moi, je parle français. Voyons, où est-ce qu'on parle français? On parle français au Canada, au Québec. On parle français en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, par exemple. On parle français aux Antilles, à Tahiti, ou encore en Suisse, en Belgique, et puis en France, bien sûr. En France, on parle français. En Alsace, à Rouen, à Chartres, on parle français. À Paris, on parle français. À Paris. Bonjour, Madame Rosa. Bonjour, Mademoiselle Mireille. Ça va? Ça va. Au revoir. Au revoir, Mademoiselle. Mireille rencontre une amie, Colette. Mireille, tiens, Colette. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que tu vas? À la fac. Je suis pressée. Au revoir. Mireille rencontre un ami, Hubert, sur le boulevard Saint-Michel. Tiens, Hubert. Salut, ça va? Pas mal, et toi? Ça va. Où vas-tu comme ça? À la fac, et toi? Oh, moi, non, je ne vais pas à la fac. Ah bon? Bon, excuse-moi, je suis pressée. Au revoir. Au revoir. Mireille rencontre Véronique, une amie. Véronique, salut! Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Excuse-moi, c'est passé. Au revoir. Au revoir. Mireille rencontre Ousmane, un ami. Bonjour Ousmane. Tu vas bien? Oui. Oui, je vais très bien. Merci. Et toi? Ça va. Où est-ce que tu vas? Je vais à la biblique. Et toi? Je vais à la fac. Salut. Salut. Mireille rencontre deux amis, Marc et Catherine, rue des Écoles. Salut, salut, ça va vous deux? Ça va et toi? Ça va. Vous vous allez comme ça? Nous allons, reste celui. Déjà? Oui. Eh bien, bon appétit. Merci, salut. Salut. Salut. Mireille rencontre un vieux professeur. Bonjour, Mademoiselle Bello. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même, vous allez bien? Je vais bien, merci. Au revoir, Mademoiselle. Au revoir, monsieur. Mireille rencontre sa tante Georgette et Fido. Bonjour, ma petite Mireille. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va? Oh, moi, ça va pas trop bien. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, je ne suis pas malade, non. Ça ne va pas fort, je suis fatiguée. Oh, ça va aller mieux. Et toi, mon petit Fido, comment tu vas? Tu vas bien? Tu n'es pas fatiguée, toi. Tu vas très, très bien. Oh, tu es un gentil pipou. Oh, lui, la santé, ça va. Il n'est pas malade, lui. Il n'est pas fatigué, lui. Oh là là, je vais prendre le revoir comme je vais. Mais où es-tu? À la fac. Je vais prendre le temps. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma petite. Allez, viens, Fido. Viens. Mireille, à la Sorbonne, au cours d'italien. Lasciate ogni speranza, voi ch'ingrate. La salle de cours. Où va Mireille? Elle va à la fac. Pourquoi est-ce qu'elle va à la fac? Elle va apprendre le français? Non, elle ne va pas apprendre le français. Elle va apprendre l'italien. Et nous? Nous allons apprendre l'italien? Non, nous n'allons pas apprendre l'italien. Est-ce que nous allons apprendre l'espagnol? L'arabe? Le japonais? Non. Et nous n'allons pas apprendre l'anglais non plus. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre alors? Le français. C'est ça. Nous allons apprendre le français.